ça. C'est vous en cas songer qui tous arriver. Même si on fait des cas, faut pardonner moi. Quand il y a envie, dis-vous qu'est vraiment désolé. On les aime, on les rentre. Ouvrez la porte, allez, c'est moi, c'est les holas. Bien longtemps, entier vivre à vous, en fait anti-séjour, à camaléré, en caprié. Parce que les ennuis, ils ont fini raconter, ça y est, c'est pas fait. En pâté, en vissa, tout ça qui a passé, à d'anti-journée, ville éclatée. Sans dire, ouvrez la porte, sans dire, ouvrez la porte pour y rentrer. Bien longtemps, quand t'es envie rentrer, bagage en moi j'avais, en bien décidé, en que frappé. C'est les trois petits mots qui fait nous séparer, mais à présent gâté, en bien malhéré, pas ni temps ni raison, même si moi t'es ni temps, t'es fermé. Sans dire, ouvert la porte, sans dire, ouvert la porte pour y rentrer. Parce que ça paraît, ça y est, dis-vous.